bienvenue, bienvenue dans le chat. C'est les chattes qui déboire. J'en place une truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-père. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une pour truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-père. C'est 9-4 Vice City, là d'où je viens, là où je vis, là où le vice se vit. 5h du match, je suis posé, prêt à poser un morceau hardcore, supposé, prêt à opposer mon flow à un beat musclé, doser une goutte de cité, ajouter à des rimes armées de conscience pour te faire penser. Depuis que je rappe, les condés sont tous en faction. Je suis rentré dans le micro, par effraction. Mon son sonne comme une détonation. Je rentre dans la banque direct, coup de plafond. Tu veux écouter mon son, appuie sur la gâchette. Je vais te niquer les oreilles comme un putain de coup de machette. Achète mon scud, 9-4, lâche les missiles, scud. J'ai représenté le paradis calciné. Le rap, je viens l'assassiner. Appelle-moi Maranoche, a.k.a. Tony Montana. Appelle-moi Tierney, alias une putain de hegra. Je vise pas la Ligue 2, mais la série à dealer. Au micro, je suis un serial killer. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-terre. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une pour truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-terre. Dans ta tête, je crache mon venin, évite de faire le mal. Un fléau phénoménal, lyrical, coup de parpaing. Je te lâche même pas un bout de pain, je te laisse dans la race. Et si tu regardes mal, bouffon, je vais te niquer ta race. Trop j'suis face, t'es furieux sur le beat, j'suis nerveux. Les poucaves qui partent, trop j'reviens pour les mettre hors jeu. Un chargeur rempli de rimes pour tous ceux qui me sous-estiment. Et ta clique à 6 sous, je laisse cibler sous terre. Si DJ c'est le terre-terre, Arcueil c'est ma ville. Les mecs vilains comme toi, on les accueille au fusil. 9-4 ça pue la merde, arrête ta fuite. Capitale des bras. Qu'on représente la banlieue sud. Certains bicravent des skuts, certains bicravent des grammes. Nous c'est la nouvelle école, gros c'est le Val-de-Marne. Pas d'arnaque en authentique, toujours au pied pour du fric légal ou illicite. C'est pour ça qu'on vous plaît. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-terre. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une pour truande la galère. 9-4-0, représente le terre-terre. Je suis né dans la patrie du coq, ironie, je pèse les poulets et les grailles en mode braise et ok. Val-de-Marne, là où les petits déversos ont la haine, c'est la paix de la banlieue sud. 9-4, attitude, c'est sans trucage. Tu viens te raconter mon quartier, c'est en tes max que s'opèrent les vols à l'arraché. J'ai la haine, donc je représente mon 9-4. Les plus grands 4-4, les plus petits en pocket. Ça tape une roue devant une voiture de deck. Sur ma plaque, c'est 9-4. Ça les 20KX, comme une pub dans un film X. Attentat sur 10, Ben Laden au mix. C'est l'incisif, blanc. 9-4, mon département, Arcueil résident. 9-4, 1110 choses à dire. 9-4, 1110 textes à écrire. 9-4, 1110 raisons de tout piller, tout niquer, tout cramer. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-terre. Bienvenue, bienvenue dans le 9-4. C'est les chattes qui déboire. J'en place une pour truande, la galère. 9-4-0, représente le terre-terre.